Le radio show de Frédéric Fassotte. C'est 60 minutes de remix side. You gotta move, just do it. C'est avec une release que l'on commence ici, Remixside numéro 71 avec Tujamo et Machan Kutcher et ce nouveau titre Move. Remixside vous ouvre les portes avec un clin d'œil à Afrika Bambaataa qui nous a quittés la semaine dernière, bien trop tôt évidemment, pionnier absolu et source d'inspiration pour des générations entières. Un moment pour célébrer son héritage, cette figure essentielle de la culture hip-hop et électro. Le voici avec un de ses titres planétaires, c'est le cas de le dire, ça s'appelle Planet Rock, Afrika Bambaataa et Soul Sonic Force. Remixide, hommage. Party people, can you get funky? Soul Sonic Force, can you get funky? Oh, it's not. Can you get funky? Yeah, just hit me. Thank you. Remixide. Remixide. Autre mastodonte de la musique électronique, qui n'est tout autre que Moritz Hofbauer et Feia avec ce nouveau titre aussi, Two Hearts. Vous êtes dans l'édition numéro 71 de Remixide. Je vous invite maintenant avec Harrods et Moyave Gray. Ça s'appelle Beyond. C'est un son hypnotique taillé pour faire monter la tension. Après quoi viendra Daft Punk avec Lose Yourself to Dance. C'est un Max Stanton remix. méprisant. Remix Side, la signature du remix électronique. Morenita sola, cada una en su lugar. On est en mode club latino afro dans Remixide. C'est le nouveau remix de Victor Sayel sur le hit de Ugel avec Cumbia Frica. Morinita version Afro Tech House. Et ça sent déjà l'été quelque part. Et puis là, retour en 1990 avec la Retroline. Avec Suburban Knight, c'est l'un des pionniers de la techno sombre sur le label Transmate, The Arts of Stalking, The Words. C'est un maxi culte, et oui, à l'époque, qui a déjà posé les bases de la techno deep et hypnotique, un son qui a plus de 30 ans. Et on va se le repasser avec grand plaisir, qui continue d'ailleurs d'influencer les producteurs d'aujourd'hui. C'est la Retroline dans Remixide, mise à l'honneur dans cette édition 71. Yeah. Remixide. Remixide, c'est une découverte électronique. Cartfish, Don't Call My Name. Les sons électroniques en version édite, en rework. Cela se passe dans une version remix. Remixide, c'est une expérience électronique. une fois des années 90 qu'on ne lâche pas ici en version remix, bien évidemment, de Crystal Waters avec ce Gypsy Woman. Réalisé, moi je trouve super bien, par ce top board edit de Petel et Maddy. Par contre, maintenant, c'est Party Pupils qui va vous sensibiliser aux années 80 avec un excellent remix de Toto Africa. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flights. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you." Ooh, step up, match my energy. Remixide. Ça, c'est un vrai bijou du son clubhouse de la fin des années 90. Dedis Fowlwright avec I Feel Good Things For You. C'est un morceau qui sent bon les dance floors chaleureux et les samples soul bien groovy. Un track qui nous rappelle quand même qu'à cette époque, la house savait allier élégance et énergie positive. Il n'y a pas que du remix et vous allez le comprendre tout de suite parce qu'on change complètement d'ambiance pour retrouver la touche belge de Pierre Demar avec Je pense à vous, nouveauté. Il nous embarque dans son univers singulier entre pop raffiné et émotion à fleur de peau. Une belle façon de montrer qu'ici aussi, la scène francophone continue de briller avec sensibilité et style. Remix side. Je viens, ça monte et je pense à vous. Et les filles de mon âge me regardent comme si j'avais la rage. Je jouerai avec ou sans vous, oh ça ne m'importe pas. J'imagine tous vos jolis visages, ça me fout dans un drôle d'état. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. J'ai un truc pour les déguisements. Au fond de moi, j'ai la main sur les détails. Je choisis le rythme et les mouvements. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si j'avais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages, ça me brûle dans le bout des doigts. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu, le sang, j'ai la main sur tout. And every breath, every beat still belongs to you. Remix Side. Rageur à l'instant avec ce titre Sometime, encore un petit clin d'œil des années 80. C'est un TSF remix. Le radio show de Frédéric Fassotte. C'est 60 minutes de Remixide. Et voilà, Remixide édition 71 se termine en douceur avec Cinematic Love. Oui, c'est signé Soul Legend. C'est un titre plein de classe, parfait pour finir cette session sur une note élégante et apaisée. On se retrouve très bientôt en version podcast sur fredvoixoff.com. Sinon, la semaine prochaine pour une nouvelle dose de remix et de découverte électronique. Remixide. Shake it.